tulibacha bena shinda kutoka wa manyumba ni mizasa ya vile bana ba full batoto ba mingi ebeba shikate batoto ba mingi basha bekala mama ma full manyumba ya mingi e mahutu enefini basha kumefinika kuko giza ikika kilongeka kitu kanikona fanika géant bemu mwesha malo anemi teswa na kumiangaisha bemu mwesha anemi angaisha keba lombole uende ubaoneshe. Keba lombolea. Uende ubambia sema. Kuboko kwa mikubai. Mukono ya mi Mungu inakuya. Kisakaleze kika. Kile Mungu anapenda ni nini? Utakamba jea hon. Juu ya ule jea anguke. Na biyo kushile kiaba. Na biyo kuachie fashi. Yosh. Josue. Haona jea. Pale jea yako naanguka. Na weye uingie maisha ya sasa. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 6. Connaissez pas. Jusqu'à là. 7. Neuf. Alléluia. Amen. Ikala mukomo. Kuya wa nguvu. Mwanda kubaya wa kukukwasha. Juu kuna kwa mtu kukusaidia. Wa kukwasha kino kihui. Wa kusaidia ikanisa. Wa kukwasha yobe. Wa kusaidia nyumba yako. Wa kukwasha bobe bana. Wa kusaidia watoto yako. Aye umo. Kuna kuya moya. Ana kukukwasha. Ana kwa kukusaidia. Kwa kitu kimoya. Kitu kimoya. Ikala mukomo. Kuya wa nguvu. Lekino kihui lo. Ikanisa. Kitine bantu bakomo. Iko na bantu ba nguvu. Ba mama bakomo bachiko ba mama ba ngufu mukanisa mube kwamo ya ni paka mama pasteur Mungu yasere mama pasteur Mungu akubariki sana mama kete benisi ba mama bakomo bachiko ba mama ba ngufu be kwako mukanisa ba kuonesha jea ba kuangusha jea be kwako ayaya haleluya amen ba mama toa yabichi ba mama eh twend Pende, andisha mukono. Amen. Amen. Amen. Amen. Ba papa, amen. Ba papa, amen. Ba tata toa yabichi. Ba papa, twende, pandisha mukono ba papa. Tusa kuivuwa na bantu bakomo bajiko. Tutaona ba nguvu ni banani. Ba tata, amen. Ba papa, amen. Ayayayayayay. Eh. Ba tata, basatu leze mwesele. Ba papa, batatu Mungu emibariki mnasimama. Ba papa ba nguvu. Bakomo. Ba nguvu. Bakomo. Ba nguvu. Ba tata amen. Ba papa amen. Bantu bakomo. Bantu ba nguvu. Jalelo. Leo. Jea hona. Jea ataanguka. Amen. Amen. Le bakomo bajiko. Ba nguvu be kwako. Leza ba mulombola Yoshua. Mungu anamwambia Josue. Mose sabafwe. Moise anakufa. Mose sabafwe. Moise anakufa. Sabe waye. Sasa we Josue. Sio utaingiza. Na benu. Banduku yako. Kwa kutermine. Kule kumwisho. We jote baingiza. Muichi ya Kanaani. Ile ichi. Ichi yenye kubarikiwa. Ichi wanatosha asali na mie. Abe, weye, njoo tebengisha. Nami nakulomola mbabe. Nami nakwambia weye. Ye abe wa. Paka weye. Utasaidia familia yenu. Yes. Osana. Aleluya. Amena. Leza be mutula bwa mitwe. Mungu anamiweka kama vile bichwa. Na shawi mwanuke. Hata kwa mtoto kiloko. Leza ba kutula bwa. Mungu anakuweka unakuwa kichwa ya familia yenu. Aleluya. Amena. Tambule bijiwane sambabe. Sikia bile niko nasema. Namba leza ba kutu. Nasema Mungu anakuweka wewe unakuwa kichwa. Mukisaka mwenu. Mufamie yenu. Leza ba kumonemo abe. Mungu anakuona wewe. Eye abe. Paka wewe. Wabatula. Ule anaweka. Wakukuasha. Wakusaidia. Wewenu. Familia yenu. Familia yenu. Abe Joshua. We Josue. Kala mukomo. Kuya nguvu. Abe Joshua. We Josue. Kala mukomo. Fortifie toi. Abe Joshua. We Josue. Kala mukomo. Fortifie toi. Kala mukomo. Mukwe wa nguvu. Ah. Bangufu be kwapi. Aleluya. Amen. Bakomo bachikwe. Bangufu be kwapi. Iyabewa. Nipaka weye. Usaka kuhanjisha mzo wenu. Utasaidia familia yenu. Ujuko wesha kunena mane mutu. Kuko ule ataweza kusema ake, miye niko kichwa ya familia yetu. Sema. Uko mukila. Tue lake. Iye abewa. Nipaka weye. Jalelo chinu. Leo hii. Leza batonge. Mungu ana chakula. Kata waki wilo kinwa. Mukanisa umu. Kwesela mo bantu. Kubariki batu. Kutula hanga. Kubaweka yulu. Akwa shenta. Oh, basaidie mafami. Kwa shekisaka. Basaidie mafami. Pana male. Batoto ya Mungu. Proje yobe. Proje yako. Ya magoriata. Proje yako ya miaka. Watu shikete mo. Ule harikala mproje yako. Leo atanguka. Jalelo. Leo atanguka. Wewe barikiwe. Wewe barikiwe. Wewe barikiwe. Wewe barikiwe. Mungu anakugeuza. Unakuwa munene. Haleluya. Hosana. Leza bakutonga. Mungu anakuchakula wewe. Mukienu kisaka. Mufamia yenu. Wabatonge yabe. Mungu njo anachakula ni wewe. Haleluya. Amen. Eh. Haleluya. Hosana. Leza yabakutonga. Mungu anakuchakula. Iye abewa paka weye. Paka weye niko nasema. Iye abewa mpeta. Paka weye mtajiri. Iye abewa mpeta. Weye mtajiri. Jalelo. Leo. Waji mulanda. Ulikuwa maskini. Mungu anakuchakula. Unakuwa mtajiri. Ukakuasha. Utasaidia. Familia yenu. Apewa. Weye. Ukafikisha bana benu. Utafikisha banduku yako. Ukafundisha bana benu. Utafundisha na banduku yako. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Boba ba yukambe bufumiki. Bale banajua sema hii ni matabiri. Ekyo munabe mana. Njo pale uko unaona beko unasimama. Mwanda ewabo mwanda. Sababu ni mambo yabo. Kazi hobe tabisha. Pale tu beko nechika. Hobe tabisha. Pale benechika. Mwanda wanao. Na ile mambo na yoi inafika. Nao mafika. Na yoi inafika. We come here. Uji patie nguvu. Sababu we Josue. Sote bafikisha. Muinchi ya Kana. We mufunde. Ulifunda. Kufundire. Akufunde. Mungu anakuchakula. Mungu anakuchakula. Nasha we mama. Hata uko mama. Nasha we tata. Hata uko baba. Nasha we mwana mcheche. Hata uko mtoto kiloko. Oh, Mungu anakuchakula. Paka weye. Utakuwa kichwa. Ya familia yenu. Ni leo. Uko kichwa ya familia. Uko kichwa ya familia. Leo. Ulikuwa chini. Mkono ya Mungu. Inakupandisha. Oh, Mungu anapandisha. Mungu yuko na nene pesa. Mungu anasimamisha. Mungu anabariki. Oh, Bakoriste. Bakoriste. Bakoriste. Baimbaji. Bakoriste. Baimbaji. Bakoriste. Baimbaji. Ilezobaish. Mungu anapandisha. Kutilezobaish. Kumungu kuna nenepesha. Kutilezobaish. Kuko Mungu yuko na nenepesha. Kutilezosuzu. Kuko Mungu yuko na pandisha. Kutilezowese. Kuko Mungu anabariki. Ebanuwebo. Ni mweye baimbaji. Ebanuwebo. Ni mweye. Lombolo jina jimba. Ambia ule kwa pembeni. Eyeabe. Nipaka weye. Atongwene. Ule anachakuliwa na Mungu. Ayayayayayayay. Amena. Amena. Mulombolo jina jaya. Umambia ule kupembeni. Mwanda yike yukile. Juye mwenye asijitue kile eko. Lombolembe yeabe. Umambia sema ni paka weye ule Mungu anachakula. Ule Mungu anachakula ni paka weye. Shumambia tu biabi. Ditu libye kesema ke toi Dieu a choisi. Aleluya. Amen. Yeabe. Ipaka weye. Yeabe David. Paka weye David ule Mungu anachakula mufamia yenu. David yeabe. David ni weye mufamia yenu. Amina kufu milamba abe David. Na kutabira sema toi David. Tata abe wita David. Wewe baba uko David. Mamuze wi David. Wewe uko David. Eyabe Joshua. Wewe Josué. Aba Joshua. Ba Josué. Ba Joshua batiko. Ba Josué be kwapi? Ba Joshua. Ba Josué amena. Ba Joshua. Ba Josué amena. Ba David amena. Ba David amena. Eyabe. Paka weye. Leza wa Mungu. Mungu wa mbingu. Olola kuboko. Ananyosha mkono. Kukubariki weye. Kukupandisha. Ukwe kichwa. Kwa kusaidia familia yenu. Intervention yoso. ile intervention yote ni wewe ndio utaisha kama kuko mambo mfamilia si uchiko tambula kama uko amupokea namba si uchiko nasema kama uko akopokea namba si uchiko tambula si te la reçois Patutemu Goriata nanguka Kile kilikuwa isha ikala Mumaisha yako Uko na shungulukia fashi moya Siku ya leo Kupandishiwa kunakuya Kupanda kunakuya Elevasyo nakuya Elevasyo nakuya Ula rikala Pale ananguka Goriate Ananguka Weye Utafanya Marias, Iko yenye kwa chana. Oh, Osana. Oh, oh. Lesa usunsula. Mungu akubariki. Lesa usunsula. Mungu eko na pandisha. Lesa ubaisha. Mungu eko na nenepesha. Utalula mulanda. Eko na tosha maskini alikuwa chini. Mutokane. Eko tu na mavumbi. Koko kwa yakwa. Mukone na kwa na mulokota. Njoo kwa maana bale bana imbaka. Asema Mungu anatoshaka. Walongolula mtu. Anatengeneza mtu. Kwa mtu lake mtu mkata. Anamupeleka anakuwa mtu munene. Nione samba. Hapa niko nasema. Namone kubwa kwa kwale. Naona mkono ya Mungu. Kutenga bamo bamo. Iko nagusa watu wengine wengine. Kwa kuwatenga. Iko nebagusa. Kwa kuwatenga. Mkono ya Mungu inebagusa. Bamo kani amena bene kebe kabishangaye. Bengine na amena abechike tu. Ako kubwa kwa kwale. Me lakini hiyo mkono ya Mungu inakuwa kubagusa. Iko na tosha maskini Muluvumbi. Alikuwa mavumbi na mpandisi inamtengeneza na kwa mtu mzuri Goriath ule anangaisha nyumba yako bamwesha bobebumi anateswa maisha yako bamwesha malwa anateswa bobebana batoto yako kane masomo paka na masomo aone kabitu iko na labika nocha lelo leo kuchikubuku kuko mkono kubahia inashuka kubachimula inavunja na sukuma Goriath ule alikuwa anakuteswa e mwandaka njoo kwa maana enefu lene mwanga naanza kuisha mwanzo bane nangalesa ile Mungu alisema lesa bane nangamba Talabantu. Mungu alisema ona bantu. Mwanda wabubichi. Mambo ya pili. Bantu bajiba nanga. Bantu walikuwa natembea. Mitwe kutuhu. Kwa mpiku wa mitwe. Bila bichwa. Kya. Mtu wenda unange kwa mpiku wa mitwe. Mtu yuko natembea meana na kichwa. Ibika. Mungu ni nini? Ibika. Mungu ni nini? Na jina seha. Nilicheka. Tanga mukanda wankinji. Soma proverbe. Bibai kulongaleze. Bile Mungu anakuwa kufanya. Chapitre 9. Chapitre 9. Verset 1. Verset 1. Mutale bantu ba mpiku wa mitwe. Muone bantu ba shipo bichwa. Kune shatopa. Jusque là. Alléluia. Amen. Bantu sakunya kushamba. Bantu wataniuliza asema. Ni bintu gani biko nafanyika? Kwa mpiku wa mitwe. Kwa sipo bichwa ni kusema nini Mungu asema ona naona bichwa bene bidudisha kumaungu kitu kia kukatika kichwa hivi bana kwa bana unganisha bumutu unenea ni kusema nini Mungu asema wende baoneshi umuambia na pastor na tulange nji Naweka akiri. Akiri ya munene. Ya kulonga bintu. Ya kufanya bintu. Mumaisha ya batu yake. Kujiba patanga bintu. Kuko batu wanawazaka bintu. Patanga makuta. Beko napata makuta. Mekenge nyi ya kulonga. Me akiri ya kufanya bintu. Kajikeba jina yo. Akiri ili habana na ayo. Anangabua bantu. Beko natembea sabatu. Kajikeba jini mitu. Habana na bichwa. Kalombo she. Wendo baonesi. Sana baka jine bana balume. Bana ome na bana muke. Nesamba. Mungu asema. Natumenge nyi. Natuma akiri. Akiwilo kino. Pakanisa hapa. Noyange nyi ya. Ile akiri. Ika kwa shaki wilo. Itasaidia kanisa. Ika kwa shamobo. Itasaidia manyumba. Ika kwa shabumi bwana. Itasaidia maisha ya batu. Na iangusha. Nauliza. Bukulumpe. Kama bana sema uko mkubwa. Bukulumpe. Kama bana kutaya sema uko mkubwa. Ivwe kumutu wenyu. Ni kwa na nywele mweupe imyaka bungi ubie ni miaka bwingi bukulumpe ekika kuwa mkubwa ni nini baba kubwa Papa moya explique. Kama banasema ke unakomea unakuwa mtu mkubwa hata mu famille. Ni miaka bwingi ni hivi ubie ni kitu kani. Sagesse. Alléluia. Amen. Kukomea kwa mtu ni akili. Alléluia. Amen. Mtu kitu na shakano ke kachiechi. Ataka toto kiloko. Shile za tu jengi ni moka. Kama Mungu anaingisha sagesse mkichwa yake. Kende Jean Kongo mitunto. Ko kata dirige Kongo yote mzima. Amen. Amen. Na shaka jine 10 ans. Atake kona 10 ans. Shika jine yenge nyama. Kama keko na akili ya Mungu. Kakukishaka ende ja Kongo. Kataweza kudirige Kongo mzima. Kongo ya je. Kongo inatenka. Amen. Amen. Kukokesh. Kuweza. Bantu ba miaka. Bato ba miaka. Nevu. Beko na imfui. Mwiba talamba banobe wabakulu. Unibangari asema njoba kubwa mufamili. Watalabi oba longa. Unaona bile beko nafanya. Dijimbwene iba noba na bachechi. Inasindiwa na batoto kiloko. Na shivukulu umpe. Kumbi kukomea. Ingenyi. Ni akiri. Hano leza bemu henge. Apa Mungu anemipatia akiri. Kulumaya leza bemu komesha. Ni kusema Mungu anemikomalisha. Bemu tula hangala. Anemiweka yulu. Mtu wa mpiku wangenyi. Mtu wa shipo akiri. Asha muwe emyo de dolar. Ata mpache emyo de dolar. Ambiance balula. Ambiance nanza. Amena. Amen. Mtu wangenyi. Mtu wa akiri. Umuha 100 dolar. Uta mpacha 100 dolar. Hakuita demwa. Pakusema demwa. Kabala emyo. Ananza kubalula emyo. Yende butuka. Iko na zala, iko na panda. Mwanda ngenye aleza. Juu akiri ya Mungu. Iko ndani yake. Ino kifuko. Ifasi. Mobo mavule. Manyumba ya mingi. Ngenye aleza. Akiri ya Mungu. Yajike jimo. Aikukuye emo. Emu andaka. Jo kwa mana. Upata kazi ka yampe. Atapata kazi ya bie. Atomboke la mukashi. Anatomboke ya bibi. Oju watu bajene fi. Anaza kuona tu bajene fi. Bibi anakuwa mubaya wa kunyumba. Pale kuna akiri ubiana nayo. Nyenye ya les. Akiri ya Mungu. Shiba ya hand. Kama inashuka pafuasi. Yubakanga. Inajengaka. Jalel. Leo. Tambula inge nyale. Mupokee akiri ya Mungu. Tambula inge nyale. Mupokee akiri ya Mungu. Na shamu busunga. Ata mkomese yako. Shinge nyaleza ejimo. Kama akiri ya Mungu ikwamu. Bitu bika tampe bika longa. Bitu binene bitafanika. Echo na sangela nga kiacho. Njo kile nilifurahi kile. Na shaje haba ahone. Bile goriata ananguka. Shaje haba ahone. Kama shaje ananguka. Shinge nyaleza kejiko. Kama akili ya Mungu haina ako. Kekala kaha momo. Utaanza kushungulukia fashi moya. Shinge nyaleza nayo. Hapa akili ya Mungu nayo. Ajiba iya. Hapa inakuya. Utalulange nyimipi. Kutosha akili mubaya. Ajumitwe ya ba. Ilikuwa mubicha ya batu. Jalelo. Leo. Jea atanguka. Jea oh. Jea atanguka. Kokesha kunena. Utaweza kusema. Nebukomo bobo meme. Useme na nguvu yako. Jea bahon. Jea ananguka. Mujina cha Yesu. Mujina la Yesu. Jea ananguka. Ayayayaya. Jea asha deja kumiangusha mwei. Saka bantu bakomo. Napenda bantu banguvu. Bakomo bachiko. Banguvu we kwa kone. Mwandone sambaha. Hapa niko nasema. Matabula mahia. Madimasyo ya sasa. Matabula mahia. Madimasyo ya sasa. Mabaiya. Inakuya. Kiajiki imana. Kile kilikuwa na shimama. Kaleta desordre kukishasa. Kiko na leta fujo kukichasa. Nimero matrikile yobe. Iko na labisa matrikile ya. Kitambeho. Nimero ya kwa itoka. Kimaba kukandishe kukishasa. Bena tafuta kupandishe kichasa. Bajeaba ajibe mbeneko. Bajeaba nukawa shashimama. Manotulombela. Hapa tuko na omba. Manone samba. Hapa niko nasema. Namone mianda. Naona miaka. Kukishasa kwa. Kule kukichasa. Mukulumbe baenda ko. Mukubwa anaenda kule. Mukulumbe baenda ko. Mukubwa anaenda. Le mukulumbeka. Mukubwa nani? Yes. Ni Yesu Kristo. Anaenda kuisha mambo. Anaenda kumishia mambo. Kule kichasa. Jea. Jea. Ananguka. Bantu bakuabo. Bantu wengine. Bashikwa bantu bakuabo. Bena chukia bantu wengine. Bashikwa bantu bakuabo. Bena chukia wengine. Amen. Amen. Saka unene ape mwini. Napenda useme we mwenyewe. Na nguvu. Na imani. Ukwate tu biyampe. Kwa tu mposition. Shimama. Alleluia. Amen. Kwa mposition ya bie. Na kwa kumwisho. Nena nelo belu itavishi. Sema na imani yako. Unene ampe. Useme. Jea. Jea. Barahon. Ananguka. Toya. Twende. Twende. Jea. Ananguka. Twende mon. Twende tena. Jea. Ananguka. Twende tena. Jea. Ananguka. Oh, mwangu setena. Mwanguse tena. Mwanguse tena Jea. Mutira la Yesu banguse. Ubanguse Jea. Mutira la Yesu banguse. Oh leo. Oh tasema. Kumaisha sasa. Leo. Jea. Hallelujah. Oh. Leo Jea guke. Oh sala Jea guke. Oh sala. Oh sala aleluya. Oh sala angusha Jea. Oh sala oh sala. Leo Jea guke. C'est un bouquet, c'est un bouquet, c'est un bouquet, c'est un bouquet, on goûte ça, c'est un bouquet. T'as l'air de place, Ocha. T'as l'air de place, Ocha. Changez place. Changez place. T'as fait place, Engin. Y'a Ojinanchai. Où le connaille? Kayoukilevio Susuka. Achetouez le connaître. Changez place. Où est-ce que place, Engin? Où est-ce qu'on a gagné? Weye njo na yu agisi ko nangaika maisha yako. Jea wa misong. Jea ule wa malari. Jea cancer. Ule jea wa cancer. Jea sida. Jea wa sida. Jea miom. Kama ni jea wa miom. Jea bulanda. Kama ni bumaskini. Jea binotua pipi. Kama ni kulota mandoto mubaya. Bumi pupi. Maisha ya mubaya. Pine pine. Akika. Pine pine. Kweli. Umumu kanisa mutabakia alama ya Mungu. Pine, pine. Oh kweli so amba. Yesu asema oso amba. Asema oso amba. Omwe oso amba. Omwe ketu bantu bale atuna batumishi ya Mungu kujikitaka kulonga les kuko kile Mungu atafanya ano ano hapa sasa kebya kensha aina kesho kebya chale ni leo. Mwanda hapa niko na ubiri. Namone ba mo mwishi wibata mamungi tu. Naona bengine shimoko yone batoka mwili. Yaoshea wa misongo. A ule jea wa malari. Bakumwesha mama. Ule anakuhangaisha. Leo atatoka. Yaoshea. Ule jea. Wabia malwa. Wa mateso. Leo ta. Oh leo atatoka. Tukamuonesha. Tutamwangusha. Sababu weye. Leza. Mungu. Bakutula. Anakuweka. Udavita. Kama vile David. Abe David. We David. Onesha jea. Unaangusha jea. Sanda muni. Panda tua ya milo mbelo ya maobi onesha jea osha mutiti na jea mutila la Yesu onesha angusha onesha angusha onesha angusha na maobi onesha angusha na maobi onesha angusha jea onesha angusha jea onesha angusha jea onesha oh angusha jea mutila la Yesu onesha angusha jea angusha jea baibati onesha jea angusha jea haleluya oh haleluya hosana haleluya jea anguke mutila la Yesu. Angusha mtira la Yesu. Angusha mtira la Yesu. Oh no de Jesus. Oh no de Jesus. Oh no de Jesus. Oh no de Jesus. Oh no de Jesus. C'est anguke. Alléluia. Oh sala. Alléluia. Oh sala. Alléluia. Oh sala. Alléluia. Oh sala. Alléluia. Anguka. Mtira la Yesu. Mtira la Yesu. Mtira la Yesu. Oh! C'est anguke. C'est anguke. Mtira la Yesu. C'est anguke. C'est anguke. Mtira la Yesu. Mtira la Yesu. Hosana Yesu. Hosana Yesu. Hosana Yesu. Hosana Yesu. Hosana Yesu. Hosana. Shimuchi ne famille mon. Kama uko na familia yako umu batoto bibi ma bwana. Bande bonso ndai hamo. Mwebote msimame fashi moyo. Talabo beban. Tafuta peko familia yako umu. Talabo bemukashi. Angalia pale peko bibi yako. Jabe mususula mubwe nubumi. Ule jeane mitwesa maisha yenu. Jalelo lezo tuela. Leo Mungu atengi atanguka. Tafuta familia yako msimame fashi moyo. Wajishikete mufinance yo. Ule alikala mufinance yako. Jalelo ho. Leo atanguka. Kuko nguvu ya Mungu inashuka. Inashuka. Ushikete ya finance. Ule ashikale pa finance yako. Utaluka. Leo atatoka. Jina la Yesu Kristo. Leo maitabisha. Munechika. Kilongeke. Bifanike. Jea hone. Jea anguke. Ahone. Anguke. Tafuta peko familia yako mbambani. Jibu jiba nombo lamba. Sauti ya Mungu inasema. Kujibintu bia vyosaka nongo. Kuko bintu bia sasa napenda kufanya. Kiabu bichi. Kitu cha pili. Maisha ya sasa. Leo inakuya. Mungu anaingisha maisha ya sasa. Mweye muko na madosye. Kumaparke. Mafasha kwa chana. Mungu anaenda kumisemea. Mungu anaenda kuparke kusema. Na wale batu wengine. Aba kwanze kuzala. Batoto wanashuka. Wakumisemea. Anakuya. Weye. Zea kona anguka. Wewe na wewe uko na sala. Usifanye sambla na maombi hii. Najiku Kishasa. Nilikuwa Kishasa. Bangita kwa conseil d'état. Bakanita kwa conseil d'état. Nafikire ko. Nilifika. Amia kulombela. Nipa kuomba. Na munashia. Nikaona Jea. Yo women. Asha simama. Na hutula meza. Nikafungula macho. Nikamwambia we baba. Sikia nikwambie. Obe mukashi. Bibi yako. Ne obe muko. Na mko yako. Bati umalenga nyanya. Beko mubuloshi. Neano. Na hapa. Balikuwa napenda bakuwe. Na hii nyumba shaikala. Aina yako. Nyumba yako shakimbia amo. Ule baba. Alianguka chini. Nilifia kumutaya. Bengine banamujua. Pakuomba. Jea anaanguka. 19. Bibi anashikia malari. Kumbi bari kwa basha kwa chana babibi na bwana abana fuashi moya. Bwana anakimbia kunyumba. Bintu baba mulonga mwishibo. Bile bari kwa anamufanya munyumba yake. Bintu bikomo. Bintu bibaya. Disnever. Malari naanza kuko bibi. Ventiner. Bibi anakufwa. Emwite. Aliita. Usakala. Eko na tetemeka. Asema siyaonaka. Mungu wa hivi. Nikamwambia Mungu tuko naye. Asilombake makuta. Mungu tuko naye. Ana maskini. Atuhubiri. Juu ya makuta. Alianza kuleta makuta. Miase sitabeba na makuta yako. Sihubiri juu ya makuta hapana. Kama mukanisa yetu. Leo Mungu anatutuma. Na hii mambo. Munyumba yako. Simoko itoke. Mademona itoke. Mumaisha yako. Bitu bifanike. Waze kuona bitu vya sasa. Tutangusha. Kama auna na familia umu. Muko ba jeune garçon. Ata muko ba jeune fille. Mubambane. Kama auna na familia yako umu. Tafuta mwenzako mubambane. Ushishimame we moya. Kama auna na familia umu. Tafuta. Mubambane. Kama auna na familia umu mubambane. Tutaomba pour 5 minutes. 5 minutes. Na hapa tuko naomba. Weye uko na malari ya kanser. Weye uko na erni. Uko na jipima deja. Wewe atansyon. Uko na jipima. Sababu jea. Eko na anguka leo. Ile tansyon ya kumampepo. Itatoka. Tutangusha. Ule usha bamba. Atari kwa na bashean. Beko na mwangaishi. Leo batoke. Bakomo. Amena. Bangufu. Amena. Leo bakomo bajiko. Bangufu beko wako. Bakomo bajiko. Bangufu beko wako. Bayoshua bajiko. Bayoshua beko wako. Ba David beko wako. Kumbe leo. Kibane nangale zamba. Bile Mungu alisema. Enda mukapomone. Wende mwangushe. Mwanda kumeso. Sababu kumbele. Bitango bikatampe. Kuko mamukutano munene. Bitango bikatampe. Mamukutano munene. Ma konvansyon munene. Akino kiwilo. Pa ikanisa. Ati ma konvansyon. Beko ma konvansyon munene. Mwine mukonvansyon. Mwile konvansyon. Mukono ya Mungu. Kukukengila. Itatumika. Kumbi tuanze pombele leo. Aleluya. Amena. Aluna kulombele. Wanze kuomba. Pomona. Angusha. Pomona jea. Angusha jea. Pomona jea. Angusha jea. Enda wendo kanda. Angusha panda. Kanda. Panda na maombi. Kanda. Panda na maombi. Kanda. Angusha jea panda. Vile uko nafa sambla. Una fa sambla. Uko nafa na sambla. Angusha jea. Atako sisme. Lombela. Lomba. Lombela. Angusha jea. Panda. Panda nifo. Panda tuwa maombi. Mwandale. Sababu Mungu. Wakuia. Asashuka. Wakuboko. Wabukono. Wabukomo. Ya weso. Wadoshikete. Arikala. Adoseyo. Padose yako. Kalero. Ole. Ona. Atanguka. Kalero. Leo. Kuhona. Atanguka. Wadoshikete. Muzgo ya ikala. Kubwabebu. Kubwa maisha yako. Kalero. Leo. Kuhona. Atanguka. Jea. Jea. Jea. Jea. Jea. Jea. Kalero. Leo. Kuhona. Atanguka. Kalero. Leo. Kuhona. Atanguka. Kalero. Leo. Kuhona. Atanguka. Leza. Oh Mungu. Leza. Mungu. Wakinokiwilo. Waikanisa. Kalero. Leo. Kuhonesha. Atangusha. Jea. Jea. Aleluya. Oh. Tuaya. Ligia. Tuaya. Oh. Jea kuke. Tuaya. Osala. Tuaya. Osala. Osala. Osala. Jea kuke. Tuaya. Jea kuke. Tuaya. Panda. Panda. Tuaya. Panda. Tuaya. Panda mawobi. Tuaya. Jea kuke. Aleluya. Panda mawobi. Pomona. Oh. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Jea. Angusha. Jea. Aleluya. Osala. Aleluya. Osala. Aleluya. Osala. Aleluya. Angusha. Jea. Aleluya. Osala. Aleluya. Angusha jea. Osala. Osala. Osala. Osala. Angusha. Angusha. Angusha. Angusha jea. Angusha jea. Angusha jea. Angusha jea. Angusha. Prie. Commence à prier. Monte avec la prière. Monte avec la prière. Que Jésus puisse tomber. Que Jésus puisse tomber dans ta vie. Oh. Alléluia. Oh Sara. Alléluia. C'est un gouke. Alléluia. C'est un gouke. Odra sema. Où le bougou. Pomona. Et qu'on a boucha. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Pomona. Oh Angusha. Pomona. Angusha Sera. Pomona. Angusha Sera. Pomona. Angusha Sera. Pomona. Angusha. Pomona. Angusha. Angusha. Oh Sara. Oh Sara. Angusha Sera. Boutisa la yes. Boutisa la yes. C'est un gouke. C'est un gouke. Où est comme famille à quoi? Au sala! Au sala! Alléluia! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Au sala! Angusha. Alléluia. Angusha. Alléluia. Angusha. Alléluia. Angusha. Pomona. Angusha. Pomona. Oh Angusha. Putina la yes. Alléluia. Putina la yes. Putina la yes. Je anguke. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Oh salas. Otira sera bloe. Você sicaeva. O sala angusha. Angusha. Angusha. Angusha leo. Jea. Jea. Anguke. Leo. Jea. Jea. Anguke. Angusha. Angusha. Aleluia. Jea anguke. Aleluia. Jea anguke. Aleluia. O sala. Aleluia. Jea anguke. Aleluia. Jea anguke. Aleluia. Mutila la yes. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. Alléluia. Alléluia. Oh! C'est un bouquet. Alléluia. C'est un bouquet. Alléluia. Pomona. Angusha. Angusha. Angusha. Pomona. C'est un bouquet. Pomona. C'est un bouquet. Pomona. Oh Sara. Pomona. Angusha Sara. Pomona. Angusha Sara. Pomona. Oh le Dieu Jésus. Pomona. Que ce chien puisse tomber. Que le chien puisse tomber. Que le chien puisse tomber. Oh Sara. Oh Sara. Alléluia. Yes. Alléluia. Vitas. Pomona. Angusha. Pomona. Oh Sara. Alléluia. Et la Seigneur. Papa, tu peux prier pour les anciens, il faut prier pour les gens. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Oh, Sanas. Alléluia. Oh, Sanas. Alléluia. Alléluia. Oh, Sanas. Alléluia. Oh, Sanas. Nalula ne makashi. Tu n'as jamais makashi. Boba bantu. Bale bantu. Avance. Bana kawia. Hakapo este kaka mo. Fwasi moya tu mukazi. Kukanda keba kanda. Aba kupandisha ke. Jea wa jushikete. Ule jeri kwa shaikala. Janelo taluka. Leo atatoka. Abenobo kanda. Wena we upande. Iya kuno. Kuya huku. Muangalia kuno. Mpangane. Boba bantu. Bale bantu. Abainje akapost. Bana kawia pa post. Hah? Mukazi uko tu pafashi moya bakupandisha ke. Iyai. Kuya bakombe. Tusaka bantu. Basamba. Tuko napenda 6 personnes. Imana ya kila mtu. 6 personnes kama unaona sema mukazi au pandake uko tu pafashi moya. Pita ku 6 personnes. Mukwate. Mubambe. Aina miye njwa alisema ni Mungu ule mkubwa wa mashiku. Anasema wakati nenea ya kuangusha bashea batu na boba pande umakashi pale tuwe na kugusa bakombeye uko natoka na baraka ya Mungu. Mubarikiwe baimbaji baimbaji mitupache kwa kamuimbo baimbaji uko bote baiko na tumika. Hesai. Zatishe. Baimbaji mutupatie mwimbo. Ya timulama. Tukone michunga mwimbo bote banatumikaka kama unaona sema unatumikaka bakupandishake. Pita bakombe. Hallelujah. Hosana. Ya tukulama. Tuko na kuchunga. Hallelujah. Ubaishe. Unakawia. Munivoi mo. Mu situation paka moya. Kibaleza. Baraka ya Mungu. Akandishe matabula. Mungu apandishe matua. Akutalemu ni voyo jai. Akutoshe atua ya chini. Hezabu kiji. Ptatisha. Kukilonga sambla. Usifanye sambla. Hallelujah. Hallelujah. Hosana. Hallelujah. Hosana. Hallelujah. Jehovah. Hallelujah. Hallelujah. Waimbachi mutume mwimbo. Hallelujah. Hallelujah. Hezabu abukitwa kwenda maitape makwao. Chatisha tunatafuta kupita twende maitape nyingine. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Tubanena. Bale bato ma projet ma case. Sea. Ula rikala mesaya. Jalelo pomoka. Le atanguka. Nenu mupate ma case. Na mwe mupate ma case. Bale ba sipo ma case. Bapite huku bapite bale ba sipo ma case. Tata. Bale ba tumikake. Bale wote watumikake mupite bemombe. Bale natafuta Mungu. Ebalete makazi. Oh. Esa watumbo. Watumbo. Nebuko mboso. Passez devant, on prie pour vous. Parce que j'ai à tomber. Wamuko mboko mbo. Mubia kulonga, tugai ya kote, nata witu senge. Chana. Kama ni malaria finance. Kama ni cancer. Kama ni bila kolewa. Kama ni kukosa makuta. Pita bakuguse bakombe. Zea. Anguke. Zea. Ananguka. Unajua sema. Maisha yangu. Ayendeke. Leo. Mungu aguse zea. Pita bakuguse. Pita bakuguse. Pita bakombe. Juu ilikuwa ni kusema kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Tukisha majeshi. Nasha ufunda. Weye eleve. Tukisha majeshi. Hauna na akili kumasomo. Pita wakuguse. Jalelo. Bubube babela. Ujizina ja Yesu. Bishete bimane. Jalelo. Angusha Zea. Angusha Zea. Angusha Zea. Angusha Zea. Venez avec les enfants. Venez avec les enfants. Montez vous la tête. Laissez tunasema mkwe na batoto wale beko na batoto kuya na batoto beba tente kejika beba guse batoto jea ubwe sabe nuba na batoto ule kona tesa batoto yenu leo anguke ke mtu sa kulonga aina mtu atafanya Mungu ye mwenyewe ye ndio atafanya. Hallelujah. Pita na batoto wale kona batoto upite nabo kumbele. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Alléluia. utukufuniwa E Mungu wangu Pokea heshima E Mungu wangu utukufuniwa E Mungu wangu Pokea heshima E Mungu wangu utukufuni wako abondamment. Nous allons passer aux offrandes. Nous voulons chanter dans la joie comme des gens qui ont renversé les géants dans leur vie. Et ne partez pas parce qu'il y a des communiqués très importants juste après. Donnez-nous encore quelques moments. Que le Seigneur vous bénisse pendant que la chorale nous accompagne et le protocole nous aide à avancer assez rapidement. Alléluia. Jésus. Zambé malambo, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu e malamu, Zambe. Zambe malamu, Zambe. Zambe malamu, ah. Zambe malamu, malamu, malamu. Zambe malamu mingi. Zambe malamu, Zambe. Zambe malamu, ah. Zambe malamu, malamu. Yes. Nathalie Momo inanga, Nathalie Lipota nanga, Nalobioza malamoué, malamoué, malamoué. Nazala kanzoka ya kokufa, mokonzi yo sikwisanga, solo yo za malamu e, malamu e, malamu, Zambe. Zambe malamu, Zambe. Zambe malamu, ah. Zambe malamu, malamu. Oh, Zambe malamu mingi. Zambe malamu, Zambe malamu e, malamu, ah. Zambe malamu, malamu. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo e bolingo, Yesu e. Yesu bolingo, Yesu e. Yesu bolingo, ah. Yesu bolingo, bolingo. Bolingo amote mananga yo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, ah. Yesu bolingo, bolingo. Bolingo na ito tinga imotema, yango na yemi na nzemo. Yesu yonde bolingo, bolingo. Ebe na yona komo nini ye, shilo yo zambala. Solo yonde bolingo, bolingo, bolingo, Yesu. Yesu bolingo, Yesu. Yesu bolingo, ah. Yesu bolingo. Bolingo, Opali oyonga na lulu akala e. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, ah. Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yemba elonga nanga yokumama, elonga nanga kumama. Yende makasi nanga yokumama, eh. Makasi nanga kumama. Yende bolingo nanga yokumama kolo, bolingo nanga kumama. Yende lisekwa nanga yokumama. Yende bomoi nanga yokumama kolo. Bomoi nanga kumama. Yesu lisekwa nanga yokumama. Lisekwa nanga kumama. Yemba yozali zambe. Yawe kumama. Kaina kende ko wame. Yawe kumama. Kaina tale la nale. Yawe kumama. Kaina kende ko wame. Yawe kumama. Kaina yembe la nale. Yawe kumama. Kaina tale la nale. Yawe kumama. Yote zambe. Yawe kumama. Seigneur, nous bénissons ces offrandes et toutes les personnes qui t'ont adoré avec leurs biens. Bénis leur vie, leur santé, leur ministère. Nous proclamons une nouvelle saison dans leur situation et que ta grâce soit avec eux. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je voulais d'abord accueillir les visiteurs. C'est votre première fois. Si vous êtes là, levez seulement la main là où vous êtes. Il y a un frère. Mettez-vous debout. Levez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? On peut les acclamer très fort. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ne soyez pas pressés de partir après le culte. Nous vous invitons à aller ici dans la paillote. Nous voulons échanger avec vous. Il y a des bien-aimés. Nous voulons partager des moments avec vous, vous connaître. Vous expliquer ce que notre église et le programme que nous avons. Alléluia. Amen. Alors, reprenez la place et nous vous acclamons. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je profite pour donner l'occasion, disons, pour donner déjà le programme. Nous sommes en pleine préparation de notre travail d'évangélisation. Et les évangélistes sont déjà à pied d'œuvre. Tous les jours, ils font des descentes déjà sur terrain. Et nous encourageons tout celui qui est dans l'église qui peut faire un travail. Il faut le faire. Qu'il n'y ait personne qui ne fasse rien avant et après l'Ikasitador. Tu peux torchonner, tu peux arranger les chaises, mais nous voulons que vous puissiez nous puissions prêter main forte à l'évangélisation pour le salut des âmes, pour distribuer les tracts, pour distribuer les affiches. C'est très important pour notre église et c'est très important pour le travail de Dieu. C'est parmi les grandes activités de l'église et nous voulons que toute l'église soit impliquée. Alléluia. Et je pensais que l'évangélisation, les gens m'ont prêté quelques tracts à donner encore ce matin. Il ne faut pas toujours attendre que j'en demande. Micheline, Patricia, mes enfants, donner à tout le monde, c'est très important. Chaque jour, nous n'allons pas nous fatiguer d'annoncer l'évangile. Vous savez, la plupart des chrétiens, comme un ami, il reste là chrétien. Il veut seulement que Dieu le bénisse lui. Et même dans ses prières, c'est rare que les gens prient pour les autres. Même l'église primitive était comme ça. Jusqu'à ce que Dieu décide de la persécution. Si tu veux être béni, visité par Dieu, dans ton programme de la vie, prévois de faire du bien à Dieu en gagnant les âmes pour le Seigneur. C'est très important. Alors je voulais vraiment nous encourager, encourager l'église à faire ce travail. Faisons-le chaque jour. Et le mois d'août, c'est un mois particulier. Le mois d'août est un mois particulier où nous nous donnons vraiment ce travail. Alors j'encourage toute l'église à participer à ce travail. Donc quand vous recevez les invitations ou les tracts, distribuez-les. L'évangélisation ne concerne pas, n'est pas seulement destinée à ceux-là qu'on appelle entre guillemets, évangéliste. Tout chrétien devait donner la bonne nouvelle. Le monde a besoin de la bonne nouvelle, de savoir que Christ est la seule solution. Donnez deux, donnez trois, ne donnez pas seulement une. Parce qu'eux aussi vont donner. Donner. C'est important. C'est très important. Et quand on te donne, ne prends pas la lumière, tu mets en dessous de la table. Non, non. Mettons la lumière sous la table pour que tout le monde connaisse l'évangile. C'est très, très important. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre programme est en train d'être modifié au fur et à mesure qu'on s'approche de notre grand événement. Et c'est comme ça que nous modifions le programme. Demain, lundi, toutes les commissions se réunissent à 17h. Tel que nous sommes là, j'aurais souhaité que toute l'église, que tout le monde soit dans une commission. Tu dois travailler quelque part. C'est le travail de l'église, il faut que nous tous nous soyons impliqués. Donc demain, toutes les commissions se réunissent. Mardi, nous faisons les derniers réglages. Nous sommes le 17 et nous commençons le 29. Donc c'est J-9 plus 3, ça fait combien? 12. Donc J-12. Donc dans 12 jours exactement, nous commençons notre grand travail d'évangélisation. Alors demain, j'aurais souhaité voir toute l'église dans les commissions. Après ce culte, je reste avec tous les membres de l'éducation chrétienne. Les fiancés, les nouvellement mariés, les anciennement mariés aussi, tous les jeunes mariés, vous restez avec moi parce que j'ai une communication très importante. Nous avons un travail important à faire avec vous. Et parce que j'aimerais travailler avec les membres de l'éducation chrétienne au banquet. Je vais expliquer tantôt de quoi il est question. Alléluia. Alors, je donne d'abord les autres communiqués. Les mamans restent aussi après le culte pour leur briefing, selon ce qu'on m'a montré ici. Toutes les mamans restent. L'éducation chrétienne reste avec moi. Et à 15h30, nous organisons, la JPC organise une fête d'action de grâce à l'occasion de la réussite de certains d'entre eux aux examens d'État. Et le matin, quand je faisais le tour dans quelques églises, donc toutes les JPC se retrouvent ici à 15h. Et tous ceux qui ont réussi aussi se retrouvent ici. Et on va leur mettre la farine spéciale dans l'église. Ok. Donc voilà, donc à 15h, ça c'est tous les jeunes. Et je pense que nous passerons aussi jeter un coup d'œil pour voir ce que les jeunes sont en train de faire. Donc ça, ce sont les communiqués. Alors, je donne d'abord certains autres communiqués avant de terminer avec les cassitas d'or. Anniversaire, nous avons deux anniversaires. Le frère Didier Niemo Niemo, qui fête son anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer le frère pour l'encourager? Le frère Martien Boulanda. Boulamba. Martien. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un, on n'a pas donné son nom, mais qui fait son anniversaire? Et la sœur Light, qui a fêté son anniversaire. Et ma sœur aussi. Ok. D'autres personnes? On n'a peut-être pas donné le nom. La semaine passée, cette semaine. C'est votre anniversaire. Viens, ma fille. Oh. Viens, mon frère. Venez, venez. Est-ce qu'on peut les encourager, les encourager, les encourager? Apprenons à nous encourager. Bien, mais c'est très important. Vous savez, le monde, c'est dans les petites choses où on essaie de s'encourager pour donner un sens à la vie. Ceux qui sont même les banques, ceux qui ont certains comptes dans certaines banques, le jour de l'anniversaire, même la banque t'envoie le bon anniversaire. Facebook envoie les bons. Maintenant, l'église doit être au-dessus de ces choses. Alors nous allons prier pour eux. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Celui qui donne les années, c'est Dieu. Que Dieu leur fasse grâce. Est-ce que nous pouvons les bénir tous? Prions pour eux. Prions pour eux. Seigneur, merci. Je bénis tes enfants qui fêtent leur anniversaire. Ils sont ici pour exprimer leur reconnaissance pour ce que tu as fait. Je les bénis. Je bénis leur vie. Qu'ils ne manquent de rien. Qu'ils croissent, qu'ils prospèrent toujours. Qu'ils témoignent qu'il est bon de compter sur un Dieu fidèle. Que Dieu est fidèle, que Dieu ne change pas, que Dieu ne ment pas. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je les recommande entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Action de grâce. La sœur Daniela. Elle est où, Daniela? Daniela. Qui a réussi à l'école. Oh, est-ce qu'on peut l'encourager? On peut l'encourager. Que Dieu te bénisse. Il faut continuer l'école, hein? Il y a d'autres aussi qui ont réussi à l'école, ils peuvent lever la main. Non. Je sais que tous mes enfants ne se savent pas d'état. Oh, ouais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie pour tout ce que Dieu fait pour nous. Mes amis les choristes, vous ne pouvez pas être devant. Ok, je voulais recevoir un couple qui a été béni le dimanche passé. Et les présenter encore devant le Seigneur et à l'église. Crispin et Chati. Crispin Monga et Chati Mbayo Monga. Voilà, nous les avons bénis le dimanche passé. ils sont là, vous les voyez. Désormais, ils sont mari et femme. Continuons à les encourager. Continuons à leur dire que c'est très bien le mariage. Il ne faut pas dire quelqu'un, une fois il dit à quelqu'un, hein, bah toi coco, hein. Assez comme mariage ne kumura. Je lui avais dit, Achabiabili. C'est très beau le mariage. Même quand il y a des problèmes, c'est toujours beau. Parce que Dieu finit toujours par triompher. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour eux. Et nous pouvons les encourager par des acclamations pendant qu'ils rentrent à leur place. Nous rappelons les contributions pour l'Ikasitador. Nous avons besoin de toutes les contributions cette semaine. Ne dépassez pas le dimanche prochain. Chaque département est censé contribuer en tant que département. Et les individus de chaque département ont reçu aussi les lettres de faire part. Voyez le frère Gracien, je ne l'ai pas vu. Gracien est où? Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il est occupé, mais il est toujours là. Vous voyez le frère Gracien, vous voyez maman Fifi. Elle peut s'élever, maman Fifi. Elle peut s'élever. Vous la voyez. Contribution du département, contribution individuelle. Nous voulons d'ici dimanche réunir tout. Si les deux ne sont pas là, vous voyez l'ancien Elvis qui va faire parvenir la contribution. Alléluia. Avant de passer au dernier communiqué de l'Ikasitador, comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu à cœur, dans mon cœur, le Seigneur m'a convaincu de faire quelque chose. Et je le ferai chaque fois que Dieu me le permettra. La source féconde est appelée maintenant à aller au-delà de l'Ikasi. Ça, c'est une vision que Dieu m'a donnée. La source féconde doit aller au-delà de l'Ikasi. L'Ikasi restera toujours la base. Selon ce que Dieu me dit, l'Ikasi restera toujours la base. Mais la source féconde devra aller partout. Lubumbashi, Kolwezi, Zambie, Kinshasa et en dehors de la République, pourquoi pas en dehors du continent. Donc, il est temps de mettre ça en tête. Et dans les mois qui viennent, vous verrez que j'appellerai certaines personnes qui ne sont pas d'ici, que je prierai, que je consacrerai. Alléluia. Amen. Je le ferai. Ici, j'en appelle à tous mes enfants. La seule façon de bien marcher avec le Père, c'est de comprendre la vision et de s'impliquer dans la vision. Ne bloquez pas les choses. Ne dites pas non, ni pas Camille. Non, non. Dieu peut choisir celui que toi tu méprises. Et c'est très important. Après l'Ikasi Tador, je vais présenter certains serviteurs et servantes. Nous allons les enseigner et nous les consacrerons aussi, selon ce que nous aurons comme évolution. Je veux que l'équipe s'élargisse parce que chacun est utile dans l'œuvre de Dieu. Et chacun a sa place dans l'œuvre de Dieu. L'œil ne peut pas tout faire. Le doigt ne peut pas tout faire. L'œil a son rôle. La jambe a son rôle. La tête a son rôle. Ne cherche pas à être en même temps toi-même tête, œil, oreille. Non, non. Et moi, je suis père. Et je dois dire ces choses pour votre bien. Et non seulement père d'ici, je suis père de plusieurs personnes. Il y en a qui sont dans les églises sources fécondes. Il y en a qui ne sont même pas dans les églises sources fécondes. Qui me considèrent comme leur père et je les considère comme mes enfants. Le pasteur tonton est là. Et soyons conscients de ça. Donc j'en appelle à la discipline et au bon cœur de ceux qui sont autour de moi. Servons le Seigneur comme il se doit. J'en tiendrai compte moi-même. Parce que l'œuvre de Dieu doit avancer. Dieu ne marche pas selon nos émotions. Dieu marche selon sa parole. Alléluia. Ok, j'appelle l'ancien Bikale. Ok, l'ancien Bikale a été transféré à Dilolo. Maintenant, c'est là son poste d'attache à la SNCC. Il a fait déjà 5 mois, c'est ça? 5 mois, 7 mois déjà qu'il est là. Et j'ai eu à cœur pendant que je priais de vous dire et de lui dire que désormais je vais voir source féconde à Dilo. Et que dans mon programme, je prierai pour lui, je prierai pour l'église, et nous, source féconde ici, nous soutiendrons source féconde d'Ilolo. Mon principe est simple. Il est ancien, c'est vrai, je le désigne là-bas. Mais Dieu peut me mettre à cœur, même un frère, je le prendrai, je le désignerai. Donc, je n'ai pas dit que je prendrai seulement parmi les anciens. Je n'ai pas dit que je prendrai parmi les diacres. Que les titres ne nous bloquent pas. Nous voulons faire le travail de Dieu. Alors, là, je le propose pasteur à la source féconde d'Ilolo. Et Ce n'est pas que le Dieu qui m'a oint, que le Dieu qui m'a donné cette vision marche avec lui. Ce n'est pas encore la consécration, mais je vais prier pour lui. Il va commencer le travail et au moment convenu, nous le consacrerons. Mais déjà, il entre dans le travail. Alléluia. Micheline, viens, donne-moi la Bible qui est là. C'est parmi mes Bibles, c'est une Bible Scofield. Alors, je vous remets cette Bible. J'écris que le Seigneur t'accompagne dans son appel et dans le ministère. Souviens-toi toujours de Dieu pour cet appel de commencer l'église sous féconde à Dilo. Signé Pasteur Désiré Mbaye Mokou. Voilà, mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Et rentre demain. Donc, à partir de demain, quand tu arrives à Dilolo, commence par la prière. Tu pries, tu parles à une personne, vous serez à deux, après vous serez à trois, vous serez à quatre, et l'église va commencer. Et Dieu fera grâce. Un jour nous serons à Dilolo, nous enverrons des missionnaires à Dilolo, et l'œuvre de Dieu va continuer à Dilolo. Seigneur, je te bénis. Tu m'as parlé et tu vas le faire. Que ta grâce l'accompagne. Et que l'onction de la source féconde. Le Dieu qui m'a donné cette vision commence maintenant à l'ouvrir au-delà de l'Ikasi. Je le bénis. Accompagne-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Okay. Voilà, ça va. Vous pouvez rentrer à votre place. Donc, demain, il prend le train. Il arrive mardi à Dilolo. Il se repose. Dimanche, il n'y a personne. Entre seulement dans ton salon. Tu pousses les chaises. Prie. Tu fais l'offrande. Tu me fais les rapports. À la fin du mois, et ainsi de suite, et nous allons voir comment Dieu va nous aider. Et ce que je fais pour lui, je le ferai pour d'autres personnes. Tous mes enfants de la source féconde qui sont là, Dieu m'a dit de prier pour eux et qu'ils commencent l'église sous féconde là où ils sont. Et je le ferai. Je prierai. Et ils commenceront. Et je verrai comment m'organiser de temps en temps pour certains enseignements spécifiques. Par où il faut commencer dans la vie? Mais dans la vie ministérielle, par où il faut commencer? Quand Élisée s'est séparé d'Élie, il a commencé avec le manteau d'Élie. Bien qu'après, il a laissé ce manteau. Il a commencé avec le Jourdain, qui était la dernière opération qu'Élie a faite. Donc, Jésus dit ceci, le Fils ne fait rien de lui-même, il fait ce qu'il a vu faire auprès du Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, je suis convaincu qu'il le fera. Je suis convaincu pour l'ancien Bikale. Il m'aime. Il est attaché. Je connais les gens qui m'écoutent. Je connais les gens qui m'aiment. Je connais les gens qui vont m'aimer encore plus. Donc je suis pasteur, je connais mes enfants. Parfois je ne parle pas, je prie pour vous. Mais Dieu va m'aider que tous mes enfants prospèrent. Alléluia. Vous savez, quand Abraham est parti pour adorer Dieu, il n'a pris que son fils. Il a laissé les serviteurs. Il a pris Isaac, son fils. Il était fils d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui l'a circoncis. Un père, il s'est caché la nudité de ses enfants, les protéger et les propulser dans la vie. Et nous voulons propulser nos enfants dans la vie. Voilà, comme je disais, que j'ai prié pour Joli Site, Dieu me dit de faire là-bas. Et je ne vous dis pas encore, Dieu m'a dit encore en attendant, fais là et là. Et là, Dieu m'a même dit, tel est là-bas, tel est là-bas. Je n'ai pas de choix. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Et comme je dis, comprenez maintenant que la source féconde doit aller au-delà de l'Ikasi. Donc, l'Ikasi t'adore, c'est dans 12 jours. Et déjà le 28, les orateurs, les musiciens arrivent. Donc, ils arrivent dans 11 jours, 10 jours, le 27. Le 27, il y en a qui arrivent, le 28. Le 28, tout le monde sera là. Donc, dans 10, 11 jours, nous aurons tous nos invités sur place à l'Ikasi. Et le travail pourra commencer. Qui sont-ils? Est-ce que la vidéo est prête? C'est une vidéo d'une minute. Donnez-nous juste une minute. Je dis à l'ancien Elvis, qui est le coordonnateur de l'Ikasi Tador, est-ce qu'on peut nous projeter ça? Je voulais annoncer féconde les détails de notre croisade. Donc, nous avons notre croisade qui commence le 30, le 31 août de ce mois. Alors, c'est une grande bénédiction pour nous et pour toute la vie de l'Ikasi. Les autres, c'est maman Elvire et moi-même. Voici les orateurs et les gens qui vont travailler à la campagne. Nous avons le Kika, et il est de Bukavu, il sera au milieu de nous déjà le 28, et nous serons abondamment bénis. Je t'interdis de consulter une idole qui n'a pas le pouvoir de changer ta maladie en guérison, ta pauvreté en richesse, ton manque en abondance, mais qui simplement peut te dire si un jour tu seras béni ou tu ne le seras pas. Le Dieu de la Bible que moi je sers, Daniel l'appelle le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il ne contrôle pas simplement ce qui doit arriver, mais il a le contrôle sur les événements qui doivent se produire. Comme adorateur, le frère Jared Pongo. L'armée des vainqueurs, Nanya Yakawa Nami Kumba Mikumba Yesu Alopia Zozwango en charge. Nous aurons le frère Alka. Et nous allons mettre notre fille, notre sœur Gloria aussi de l'église. Pika chere mikono, ilo na pika, mwa fungule, ilo na pika, mwa fungule. Pika ifunguke mochina ya, chuke. Seigneur pour cela. Voilà, donc déjà, nous avons le grand travail qui commence. Et nous voulons toute l'Église être mobilisée pour ça. C'est comme ça que nous avons modifié tous les programmes. Donc demain, lundi, nous avons toutes les commissions qui se réunissent pour finaliser. Mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes en prière avec le pasteur Tonton. Je vais lui demander de revenir un peu mercredi, jeudi, vendredi. Et pour terminer le dimanche, il n'y a pas de calendrier ici. Ça veut dire quel jour? Le dimanche 24, hein? Merci Karen. Donc, jusque dimanche 24. Lundi 25, 26, 27. Toutes les églises sources fécondes. Nous allons nous retrouver ici pour la prière. Pour préparer l'Ikasi Tador. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, nous allons nous retrouver à la gare pour prier et prendre possession du terrain. Vendredi, déjà, les réglages, les balances. Et samedi, nous démarrons. Ça, c'est le programme de l'Ikasi Tador de la croisade. Alors, nous voulons que vous puissiez porter ça en prière. À partir du 25, on va prier ici et on aura une prière chaque nuit, chacun dans la maison. Nous allons mettre le Zoom, nous allons mettre le WhatsApp et on va prier tous. Donc ça, c'est le programme du 25 jusque le 27. Le 29, nous avons un programme spécial. Ce programme spécial n'est pas convié à tout le monde, mais il fait partie du programme de l'Église. Il fait partie du programme de l'Église, mais ce n'est pas tout le monde de l'Église qui ira à ce banquet. Aura droit d'aller au banquet que celui qui va recevoir un passeport. C'est ma tout passeport. Donc, on va faire des passeports, des cartes d'accès pour les membres de l'Église. Et la condition pour avoir ce passeport, tu dois inviter une grande personne qui n'est pas de l'Église, qui ne connaît pas le Seigneur. Ça va nous permettre de filtrer et nous serons très regardants. Comment on invite, on a tout bien invité Fulani na Fulani, Boa, Baba, Nikaka Fati Fulani, etc. À l'épreuve, on a l'état de commission, d'autres ont compatia à ses ports que. Ou ta couille avec le banquier, tu as accompagné, tu as syndiqué, tu as balé, on a invité. Comment va se passer le banquier? Nous aurons nos hôtesses. Tous les invités, chaque invité sera reçu par les hôtesses. Chaque invité sera accompagné sur la table par une hôtesse. Nous voulons que ça soit propre, que ça soit nickel, si vous voulez. Il y aura des tables, ça sera au golf. Et les tables seront numérotées. Sur chaque table, nous allons positionner quelques couples de l'Église. Alors, je reste avec les gens de l'éducation chrétienne. Nous les positionnons parce qu'ils feront déjà le premier travail d'évangélisation sur la table. Il y a un orchestre qui va chanter. Quand l'orchestre termine, nous avons invité les comédiens les humoristes, il y aura du rire. Après le rire, il y aura un témoignage. Après le témoignage, il y aura une exhortation. Et après l'exhortation, ceux qui vont prendre les décisions vont prendre les enveloppes qui seront sur la table où nous allons déjà mettre les petits papiers avec les différentes assertions ou les décisions. Après, il y aura à manger, il y aura à boire, et nous aurons encore du rire, de la musique, des échanges, et nous pouvons nous séparer. Nous allons récolter ces enveloppes pour voir les gens qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur. Et les couples qui seront sur la table vont déjà nous servir des gens qui vont faire le suivi. Donc vous comprenez, nous avons besoin des gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui sont un pied dedans, un pied dehors, un pied en haut, un pied en bas. Pour les amener à connaître le Seigneur et les encadrer. C'est comme ça que nous appelons ça banquet d'échange et de transformation. Donc ne vous plaignez pas que non, le pasteur ne nous a pas invité. Non, on n'invite pas l'église. C'est un travail, en fait, d'évangélisation. Dans un autre cadre. Alors, nous avons besoin que vous nous donniez des listes des gens que nous pouvons inviter. Nous voulons cette semaine terminer tous les dossiers comme ça, il ne reste que la prière. Et nous avons besoin que l'équipe d'évangélisation augmente. Que l'équipe d'évangélisation augmente. Soyons là à l'évangélisation. Ce n'est pas seulement pour les jeunes. Je remercie Papa Justin qui vient à l'évangélisation. On m'a donné un bon témoignage de Maman Célestine qui fait un très bon travail aussi évangélisation. Donc soyons là, bien-aimés. C'est le travail de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui prospère. Vous vous demandez, mais comment ça s'est fait? Il a ses secrets avec le Seigneur. Et parmi les choses que Dieu aime, c'est de gagner les âmes. Donc j'invite toute l'église à se joindre à ce grand travail. Diacre, ancien, servante, serviteur. À un moment donné, toi tiens ma titre et tout. Parfois j'ai ce problème-là. Comment ça, à partir d'aujourd'hui, Amanda, tu deviens présidente de la chorale, mon amour. Kunaisha, à ta quoi ça c'est fou. Moukani s'attend, c'est encore pas comme retard. Pourtant, ma fille vient toujours à temps. Et puis vous allez voir, encore pas comme retard, à Chikouye, parce que je suis nommé Amanda, présidente de micro. Non. Que les titres ne nous tuent pas. Samuel dit ceci à Saül. Ça, j'aime. Il dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a élevé et il a fait de toi le roi d'Israël. Maintenant que tu es devenu grand à tes yeux, Dieu t'enlève, il amène un autre petit. Donc, un des signes dangereux dans le ministère, quand tu t'habitues aux choses de Dieu, quand tu t'habitues au pasteur, quand tu n'as plus le zèle, le premier de venir à l'église, à la prière, Ingia Mahombi. Ingia Tumbaombi. Je vous dis avec mon cœur. On a déjà habitué. Non, attends, on a fait comme mon moukani, c'est mon retard. Sauti ya mu, eh, sauti cha kwanza. Ah, nishe mbele mambango inje. Unaenda kuza yaourt inje. Ile sasa sauti ya Mungu unapita. Ah, mitenda tu. Ah, pastore kwako. Hapana, acha unda Kinshasa. Ah, kumbe mita kwa pala tarudi. Hakuna mambo. Mungu yeye kwa hapo. Je vous dis la vérité. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Rentrez aux fondamentaux de la foi. La crainte de Dieu, la repentance, aimer l'Église, donner les dîmes et les offrandes. C'est des actes de foi. J'ai regardé dernièrement, je vois même des serviteurs qui ne donnent pas les dîmes et les offrandes. Mais là-bas, il y a un peu. Je sais que je suis là, Mungu va s'aider. Je vais comprendre. Non, c'est important. Vous voyez, je suis obligé de dire ces choses en tant que père. Parce que je sais qu'il y a des choses qui sont en chirikie. Parce que si l'oncle vient à la maison et dit certaines choses, bon, mais comme on n'y va pas, bon. Je ne peux pas aller. Donc, je dois vous dire ces choses pour votre bien. J'ai vu des gens venir, nous tous, que Dieu a commencé à bénir. D'autres ont continué à craindre Dieu, à aimer l'Église, à travailler pour l'Église. D'autres, parce qu'ils sont supposés bénis, ils commencent à prendre à la légère l'Église. C'est quoi la bénédiction finalement? Est-ce une voiture? Est-ce une veste? Est-ce $100? Non, bien aimé, Dieu nous appelle à avoir plus que toutes ces petites choses. Alors je vous exhorte en tant que père, que chacun s'examine et qu'il se ravise. Voilà, aujourd'hui on a pris beaucoup de temps et je devais expliquer toutes ces choses. Et nous commençons les deux semaines critiques et très importantes. Mungu amibariki. Merci. Mushini Shiriki, aimez-moi toujours et continuez à m'aimer. Continue à me donner des cadeaux. Je suis papa, je dois dire certaines choses. Vous savez, à la maison, parfois le papa, il fouette un peu. Il aime toujours l'enfant. Même s'il fouette. Je connais un de mes enfants, je termine par là. Un jour, j'étais obligé de fouetter un peu. Parce qu'il avait fait des mauvais points à l'école. Et il me dit, non papa, arrête de me fouetter, tu es pasteur. J'ai dit non, non, je vais encore te fouetter. J'ai terminé, après un temps je l'ai appelé. Dis-moi pourquoi je t'ai fouetté. Non, parce que j'ai fait 43% à l'école. Okay. Est-ce que c'est bien? J'ai dit non. Est-ce que le pasteur ne peut pas fouetter son fils? Oui papa, maintenant j'ai compris. Je vais faire des efforts. Et aujourd'hui il est à l'université. Donc je suis resté toujours papa. Toujours pasteur, mais à un moment j'ai corrigé un peu. Donc même si je vous dis ça, je reste toujours papa, ne vous fâchez pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu vous bénisse. Nous nous tenons debout, nous remercions le Seigneur. Et parce que j'ai l'éducation chrétienne, ne soyez pas pressés, c'est un jour particulier. Levons nos mains. Nina kushu kubwana kwani o liniokoa vile ole misafishwa niwe to m chako safi, chombo chako, Bwana Yesu niko mikononi mwako, unijaze, utumie kila siku, kila Père, merci ce matin pour ton amour pour nous. Je bénis ton peuple. Que ta grâce soit au milieu de cette église. Je te loue et je te dis merci pour tous les géants qui sont tombés dans nos vies. Ta parole fait ce qu'elle déclare. Ce qu'elle a dit aujourd'hui, je le crois, je le proclame et je le célèbre avec foi. Parce que les géants de nos vies, les géants dans l'église, les géants dans la santé, dans nos familles, dans nos dossiers, dans le travail, sont tombés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni pour tes serviteurs, sois glorifié. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce qui est descendue et qui nous a touchés aujourd'hui, que la communion du Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, dans les choses de Dieu, soit avec cette Église et chacun de nous. Je recommande le programme de l'Église, le travail de l'Église, Seigneur, le travail d'évangélisation. Dans Luc chapitre 10, le verset 1er, tu nous dis, tu les as envoyés dans les lieux où toi-même tu devais aller. Nous sommes ici à l'Ikassi. Là où tu devais aller, tu nous as envoyés. Mais alors, où est-nous? Où est-nous? Où est l'Église pour ce travail? Les géants de l'Ikassi, les géants de la gare sont aussi renversés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voulons que ta parole soit prêchée dans la liberté et que les âmes soient sauvées. Je bénis tous ceux qui s'impliquent dans ce travail. Je bénis les orateurs. Je bénis tous les participants, les musiciens. Je bénis tous les programmes. Que ta grâce soit avec nous. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous prions.